référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planet Rap avec Fred. Ce soir, Planet Rap spécial La Crime. La deuxième semaine avec La Crime. Ouais. En ce jeudi soir, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme, tout va bien? Ouais. L'album s'arrache toujours, hein, toujours numéro 1. Ouais. Toujours numéro 1, franchement, je me suis levé aujourd'hui, j'ai regardé et j'étais, tu vois, voilà. J'ai même envoyé un petit Insta en le disant, tu vois. Aujourd'hui, il y a deux trucs. Il y a ton album et le bouquin de Valérie Trivelleur. Ah ouais? T'as suivi l'ex-première dame de France, t'as pas suivi? Non. Qui a balancé tout un tas de saloperies sur François Hollande? Non. C'est en train de s'arracher dans les librairies. Ah ouais? Et bah, comme toi, comme l'album en fait. Faut avoir deux trucs. Faut avoir Corleone et. Comment il s'appelle le truc? Merci pour tout. Voilà. C'est bien. Si tu veux t'appeler ton prochain album Merci pour tout. Non, sans façon. Bon, tout va bien? Ça va et toi? Et bah, plaisir de te retrouver pendant une bonne heure. Merci. Qu'on va passer ensemble. Toujours. Avec, je vois Belek qui est dans le coin, Yacor aussi qui est dans le coin, les amis, les potos qui sont là. Les potos de Ripa, 20e, 19e, des mecs un peu de partout, de chez nous, tu vois. Voilà. De là où. De Marseille. De là où tu navigues, où tu vagabondes parfois. Exactement. Et puis il y a aussi tous les gens qui te soutiennent, qui envoient des messages en nombre avec le hashtag La Crime sur Skyrock, ça n'arrête pas de défiler, hein. C'est vraiment, voilà, c'est gratifiant. Merci. Continuez, beaucoup. Dites-nous aussi si vous avez l'album, si vous avez acheté l'album, quels sont vos morceaux préférés. On va essayer d'en passer plein encore ce soir. Ouais. Je vois une liste avec notamment Brasset. Je vois un French Montana exclu. Ouais, aussi. On va le passer ce soir. Ok. Ouais. Et ben, on pourra le découvrir ce soir. C'est le morceau donc avec French Montana qui est sur ton album, hein. Exactement. On découvrira aussi pour de vrai. On entendra mon frère du live aussi ce soir dans l'émission. On va faire un petit live. Et ben, très bien. Ben, bougez pas. Vous êtes bien calés à la maison, dans la bagnole, un peu partout. Ouais. Ceux qui sont aussi en prison, qu'on salue, qui sont à l'hôpital, hein, ceux qui nous écoutent tard. Voilà. Grosse pensée à tout le monde. Tout le monde qui est branché, à tous ceux qui soutiennent La Crime. Force. Merci. Et on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission pour débuter Planet Rap. Planet Rap, le replay. Ok, La Crime cette semaine sur Skyrock. Dans Planet Rap. Skyrock. Planet Rap. Deuxième semaine. Toujours content de venir aussi, ça, je te saoule pas bien pour sûr, l'instant non, là. Parce fou, Fred, franchement, on a attaqué la deuxième semaine, tu dis. Jamais. Tu me vois tous les soirs, tu dois dire mon. Et toi? Bah, moi, je suis super content parce que je trouve que l'album est incroyable. Bon, merci beaucoup. Et que ça fait super du bien d'avoir un album comme ça à la rentrée. Merci. Ça va aussi pousser parce que c'est vrai que c'est aussi important d'avoir des albums qui montent haut. Bien sûr. Parce que ça tire forcément plein de gens aussi derrière. Exactement. Et que ça monte. C'est ça, mais c'est plus montrer qu'il y a vraiment un gros peuple derrière moi. Madame la juge, j'en ai fier. Fait de sang et de chair. Vos peines planchées n'ont qu'un seul but, faire pleurer nos mères. Si tu viens me voir, retiens de leur pas, non. Ne t'inquiète pas, je sors bientôt. La tôle c'est rien, je fais sur un pied. Mon vérité, je suis dégoûté. Je veux juste être libre. On a pas parlé hier de ce morceau Corleone. Toi, t'as un souvenir précis en tête quand vous enregistrez ce morceau ou pas? On a eu l'idée la veille, hein, Charles. Ouais. C'est ça, hein. Le matin, je suis arrivé, je suis sorti de chez moi avec le bracelet, j'arrive au studio, il y a la prod. J'y écoute, je tombe par terre. Mais le soir, le morceau était fini. Ouais, le morceau était fini. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Combien dans ta vie l'ont fini bandé? À 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Avec la faim, je suis parti de rien, je voulais voir le monde, donc j'ai volé. Tu touches aussi des médias différents. C'est vrai que j'ai vu 2-3 interviews dans des télés maintenant, ça commence à venir. Mmh. C'est un nouvel exercice aussi pour toi? C'est quelque chose auquel il faut s'habituer? Bah oui, bah auquel il faut s'habituer parce que j'étais pas habitué à le faire, mais après moi je suis très naturel, ça passe bien, tu vois, je suis, voilà. Alors on a quitté l'école, on s'inventait nos codes. On voulait partir en vacances avec les meufs les plus bonnes. Et y'a les balles qui résonnent. La Crime. On avait peur de personne. La Crime. On avait qu'un seul grand frère, c'était le Smith et Wesson. On veut le coffre et la caisse. Du champagne, de la fraise. Molotov dans la caisse. Sur le coffre, on encaisse. Refrain. On avait qu'un but, celui de tout baiser. On était dangereux pour la banaliser. Planet Rap. Et là c'est reparti pour une heure avec La Crime entre 20 et 21 dans Planet Rap. On vous attend tout à l'heure au freestyle de l'émission 41-7-5-9. Ouais. Comme chaque soir, est-ce qu'on débute avec Brasselet, La Crime? Ouais, on débute avec Brasselet. C'est chaud? Ouais, chaud. Allez, c'est parti maintenant. Allez, vas-y. Des T'es une belle petite bombe atomique. Un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique. Sinon, je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69-890. Bâtiment B posé dans le calme. Le matin, je descends dans la promenade. Je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi. Avec Félix et Zo, faire sauter le bus. Dors, ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, te laisser par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami. Sur un jet ski sans départ de. T'aimes, c'est si t'aimes, je vais te faire. La com est pas fait pour décevoir ses frères. Je me donne un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours vivre. Pour le fils de pute, elle est donneur de go. Je pense à mes rôles. Toujours en cage. C'est beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Pour les potes à l'huile. Les barrages. Ton pote le voyou va devenir. Bâtiment A, bâtiment B. La famille. Bâtiment C. Ouais, Salim, ça dit quoi? Alors, Boudère, Nagui, fraîche. Il aura fait le mec. Sans l'équipe. Ferme ta gueule. 20h. Nous y fait tout, c'est pas V6. Au beau mec. Niqué dans ma piscine. Un DJ. Je suis pas Messi. C'est comment? 9-4, je me suis fait tout seul. Donc, je prends tout. Au poteau, poteau, poteau. Bâtiment D au poteau. Des locations qui sont pucées. Un bengo. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Je compte à des vrais tueurs, quand même, tu sais. Alors, Zaz, ça dit quoi, ma gueule? Hein? Ça, c'est pour laver. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Poto, à 23h, je bois du champagne. Foie gras, pas des Pringles. T'inquiète, mon frère, je suis toujours le même. Calibré comme un Ingle. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécane, photo, vamos. Je te laisse sortir devant chez toi. T'es mort dans la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cette allongée? Je vais la démonter. Je suis parti pour tout baiser. Les chartes, les chiffres jusqu'à TVC. Dans la rue, sur mes couilles, que j'ai tout misé. Comme Kala, pas besoin de savoir viser. Pourtant, je suis Steppy. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia, alors, ça va. Bah, tu Paris, Nictar, Porcy. Je représente. Ça dit quoi, Zeiss? Hein? J'ai terre. Y'a mon album qui va sortir. Madame Echo, c'est lunaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On le simple, on ne plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas. Ah, un fromage, ça fait des semaines que je suis le fromage, il est pas passé. Aïe, ma gueule. Ouais, bien, ils ont dit quoi? Alors, les Bronx? Hein? Ah, rien, ma gueule. Wallahi Bilay, c'est ça la vérité. C'est ça qu'est la réalité, non? C'est la crime sur Skyrock avec son album Corleone qui est dans les bacs depuis lundi 1er septembre avec nous. La crime, Cor qui nous a rejoint en Suisse, ça va bien? Ça va ou quoi? En pleine forme? Cool. Bah écoute, tout se passe bien. Ouais. J'allais te dire heureux. Franchement, on est super content de présenter cet album. Voilà. On a un bon accueil sur le projet. Tout le monde kiffe apparemment. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure et on apprécie déjà le moment présent. Exactement, ouais. Il faut savoir profiter voilà, de ce moment. Plus après tout ce que t'as traversé, toi, la crime, je suppose que voilà, il y a du bien aussi de recevoir autant de soutien et de. Ouais, mort. C'est surtout ça, le soutien. Tu vois, je vois qu'ils sont là, ils sont présents. Tu vois, et c'est dès les premiers jours. Bon, c'est vrai qu'il y avait une attente parce que j'étais incarcéré, j'avais pas sorti de projet avant, je sortais un projet tous les 6 mois. Mais là, vraiment, c'est. Voilà, je suis vraiment content. Bon, dépêchez-vous aussi d'aller vous procurer, je sais pas si vous je l'avez. Vous remercie tous. Le coffret collector, la box collector avec l'album et le t-shirt en édition limitée. Faut aller très vite, je crois. C'est uniquement à la Fnac et. Ouais. Il me semble. D'ailleurs, que... je sais même plus s'il en reste beaucoup. Je sais que, tu vois, je reçois beaucoup de photos sur Insta, tu vois. Je vois ça défile, je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors, t'as vu, on reçoit même des photos ici. Vous pouvez les balancer sur Skyrock FM via l'application Skyrock, allez-y. On va écouter un autre morceau. Alors ça, c'est un morceau qui est sur l'album. C'est le deuxième featuring Quinry. Ouais. Après Lildur qui a French Montana. French, ouais. Toi, t'as bossé aussi avec French. J'ai bossé avec lui. Tu veux dire un petit mot justement sur French Montana, sur ce qu'il est aussi aux États-Unis, parce que c'est une des valeurs montantes depuis quelques années maintenant, French Montana. French Montana, c'est un des plus gros, MC maintenant aux États-Unis. Mmh. Il est passé dans l'autre case. Tu vois vraiment des mecs confirmés. Il sort d'un dernier feat encore, je sais pas, avec Jennifer Lopez, un autre avec Jay-Z, Rick Ross. Donc voilà, le mec qu'il faut avoir, ouais, là, aux États-Unis. C'est le mec qu'il faut avoir, ouais. et puis son parcours, il est assez marrant, quoi, tu vois. Le mec, il part de Rabat, il arrive à New York. Mm. À l'âge de 13 ans, je pense que déjà à 13 ans, t'as déjà des automatismes, ouais. Tu vois, de... Et voilà, il devient ce qu'il devient. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros rappeurs. Et je suis content d'avoir produit ce titre et de l'avoir réalisé. Ouais. La connexion avec la crime. Bah en fait, c'est simple. C'est comme moi, je bosse avec eux et qu'on est dans une bonne ambiance, tu vois. Et que avant tout, en fait, sur les histoires de feat, ça s'est passé vraiment d'une autre manière par rapport à la manière dont les feats se font d'habitude. Moi, je leur ai fait voir tout ce que la crime avait fait ouais. Et ils ont validé direct. On n'a même pas parlé d'autre chose en fait. Ils ont validé, ils ont kiffé. Il y a de toute façon, il y a un truc magique autour de la crime, tu vois, depuis le départ de sa carrière déjà, et puis autour de ce projet, tu vois, tous les gens sont là, tout le monde kiffe. Et voilà, et de là, quand j'ai parlé avec Spiff, qui a réalisé les clips, qui est le directeur artistique de mes bacs musique, je lui ai dit voilà, nous voudrions, maintenant que tout le monde a validé, on va faire le morceau. Et donc, il est venu à Paris et on a fait le titre et ça s'est super bien passé. Toi, c'est un bon souvenir. À lunettes. C'est un bon souvenir, toi, celui-ci, l'enregistrement de ce morceau. Ouais, non, mais en fait, j'étais pas là à l'enregistrement. On avait une date, il avait raté l'avion et moi, le lendemain, je pouvais pas être là. Et donc, ça fait qu'on s'est croisés. Et voilà, il était en studio, on s'est appelé, on faisait des fast time, on rigolait, il enregistrait le morceau. Ils ont beaucoup parlé sur FaceTime en fait. Bah, c'est bien, en même temps, oui, on sent aussi qu'on le voit avec Lil Durk. Bon, là, il y a un clip, il y a des images avec Lil Durk. Peut-être que French Montana aussi, il y aura. Non, on l'a clippé déjà. Voilà, par la suite, il y aura aussi des images qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a un échange. C'est pas uniquement je viens, je pose mon truc, je me casse quoi. Non, non, non. De toute façon, dans ma manière d'aborder maintenant ce genre de collaboration, c'est bon. Après, c'est particulier parce que c'est le projet de la crime et qu'on est tous derrière, tu vois, et moi le premier, donc voilà. Si tu veux, par rapport au Ricain, la manière dont on l'a amené, c'est pas du tout de la même manière que les autres. Il y a une vraie relation entre nous, tu vois, il y a un vrai truc. AWA quoi, AWA, voilà, ouais. Et bon, le mec boys. Allez, on la lance tout de suite. Alors, on l'a pas balancé encore depuis ces dernières semaines. Ces voilà, dernières exclu total. Exclu total. À part pour ceux qui ont le CD, bien sûr. À part pour ceux qui ont le CD. AWA avec French Montana, c'est la crème. Crème. La crème. Hein. La crème. Même si t'es en cellule, t'es en boîte. Wesh, Samir de Villepinte. Ça dit quoi? Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. T'as connu l'équipe, t'as senti liquide, hein? Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Rien. Tu te fais ravaler dans le dos. Trop loin pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, je suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les temps, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, AWA est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle liasse, Rolls Royce, pétasse, gros stable. 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On te monte en l'air, I get it, I get it. On te monte en l'air, about it, I live. On te monte en l'air, AWA, numéro 1. Big money, I flip, huh? Left on the plane, came on the boat. 300 chains, came in her throat. Ain't no telling where a nigga might be. Nick game floor seats right next Spike Lee. I be hiding in the motherfucker, flying in the motherfucker. 500 horse, ride like a motherfucker. Please tell me what these niggas selling with. Pressure on tight, you know these niggas telling. Champagne like July 4th, buggy out Porsche. Beat the pussy up, Scott Storch. Montana get A-Rap money. Laughing to the bank, cause these niggas funny, huh? Vegas, Vegas. Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On te monte en l'air, I get it, I get it. On te monte en l'air, talk about it, I live. On te monte en l'air, my cars, I whip. On te monte en l'air, big money, I flip, huh? All we do is get money, huh? Pull up in the yacht, count hundreds, huh? European car, bad bitches, huh? Young, rich nigga. Tu ne verras pas sucer pour des loaves. Pour avoir ta chatte, t'auras jamais du mauve. Oh, Mic Mac. Trois frérots, je te vois plus. C'est comment? Tu parles au chien, je te jure à la fée. Ah. Une vieille caisse. Alors yo-yo. Une vieille yasse. Rolls Royce. Ah yo-yo. Pétasse. Constable. 20 bouteilles. Toujours calibré dans le club refrain. On te monte en l'air. I get it, I get it. On te monte en l'air. Talk about it, I live. On te monte en l'air. My cars, I whip. On te monte en l'air. Big money, I flip. Grosse prod, gros sub, dans ton huc. Ça fait mal. corps, fusil à lunettes, bim, bim. La crime. AWF avec French Montana, donc ouais. C'est marrant, donc t'expliquais ouais, que bah, il est parti de Rabat à 13 ans, arrivé. Vous en avez parlé un petit peu, toi, la crime, de son parcours, justement? Non, du tout. Non? Non, du tout, franchement. Après, moi, c'est l'artiste que je respecte, j'aime bien la musique, ça fait longtemps que j'écoute, tu vois. Depuis l'époque où il rappait dans New York avec d'autres prods, d'autres trucs, tu vois. L'époque de MySpace. Ouais. Et voilà quoi. Donc donc moi sur mon projet, ça me tenait à cœur qu'il y soit et ça n'a pas été un problème. Donc voilà. Toi, t'en as parlé un petit peu justement de ce parcours avec lui, quoi. Bah ouais, non, mais c'est toujours marrant, si tu veux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé ce morceau AWA, parce que AWA, si tu veux, pour nous, c'est une manière de lutter contre les stéréotypes, en fait, tu vois. AWA pour nous, c'est un AWA quand tu fais des trucs bien, tu vois. Et ce qu'il a fait, c'est mortel. Comme la crime, ce qu'il fait, c'est mortel. Et ouais, non, ce qui est marrant, c'est de se parler en rebeu, en fait. Au steak. Ouais. Ça, c'est vraiment marrant. Ouais, ça doit être marrant, ouais. Ça, c'est très marrant. il a gardé un accent, quand mais même. Pareil, il parle en rebeu mieux que n'importe quel plando de la rue Grenetta. Non, non, c'est un truc de... Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, ça doit être marrant, en fait. On parle en rebeu, on parle en carré. Des fois, on mélange rebeu, carré, c'est trop marrant. Bon, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des parcours comme ça qui sont assez marrants. Il y a des producteurs aussi qui sont partis, pareil, du Maroc. Redouane, par exemple. Redouane qui est passé, voilà, c'est lui auquel je pensais, qui est passé par la Suède avant d'atterrir aux États-Unis. Redouane, c'est un parcours de fou aussi. C'est un parcours de dingue, ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, enfin, pas par rapport à Redouane, mais par rapport à French, on reviendra un de ces quatre présenter un très très gros projet avec la crime. Avec French. C'est quoi la crime? Non, c'est ça. Hein, bah si, tu peux. Bah, tu peux... T'as pas vu les empreintes là sur la pochette? C'est chaud. Rien? Non. Non, rien du tout. Ouais. Rien, rien. Bon, en attendant, il y a déjà l'album de la crime et c'est déjà bien. L'album s'appelle Corleone. Il y a aussi tournée Showcase pour l'instant dans les clubs. Le 6. Le 6, c'est ce week-end là, à Perpignan, au Purple. Ouais. Ensuite, la semaine prochaine, à Liège, en Belgique, à Mons, en Belgique, le 13. Liège, c'est le 12. 26 septembre à Lyon. Le 4 octobre à Arles, au Palm Beach. Continuer justement à suivre la crime. Il y a plein d'autres dates qui vont s'ajouter, des showcases avant de partir en tournée aussi. On va revenir dans quelques minutes. Là, maintenant, on attend de le balancer maintenant. Tiens, ouais, c'est un morceau. Donc, je voulais que tu parles. C'est un morceau qui s'appelle Barbade. Ouais. Que nous, on joue sur Skyrock depuis quelques jours maintenant. Ouais. Tu le qualifies comment? Il est né comment, celui-ci, Barbade? En fait, sur tous mes projets, j'ai un public quand même féminin. Tu vois, sur tous mes projets, ça me tient à cœur d'un peu représenté, alors qu'à la base j'ai un public féminin qui est quand même qui écoute la crime à la base, donc je suis un rappeur assez dur, donc y a pas de problème, mais bon je tiens à le faire. Donc là, ça a été pour le coup, c'est parce que j'ai un titre avec Amel Bent, ouais, mais du coup on voulait juste faire un morceau de bonne musique, tu vois, mais pour les filles j'ai voulu le construire, on a voulu qu'ils se construisent de moi-même. Donc Barbade, oui, c'est un des morceaux les plus légers de l'album. Voilà, surtout, tu sais, pour des voix un peu, il y a des mélodies. Donc, normalement, tu fais un feat avec une meuf, tu sais, voilà, tout ça. Mais là, pas du tout, je voulais le construire moi-même. Mais c'est bien parce que je suis dans le truc un peu Kaira 2014, je te séduis, mais t'as vu, j'ai 29 piges, on se comprend entre nous, tu vois, on est complices déjà, tu vois. Et puis en même temps, voilà, ça fait aussi partie de la facette, faut arrêter. C'est ça, mais après, moi, quand je parle à mes potos, ils rigolent et tout avant d'écouter le morceau, quand ils écoutent, ils me disent, ouais, je dis, si t'es pas avec une meuf, si t'as pas d'oseille pour partir là sur la route, n'écoute pas. Tu vois, ils rigolent, ils écoutent, ils me disent, ouais, c'est un morceau tout super classe. Voilà. Ouais, et il en faut aussi dans les albums, justement, quand on construit des albums, tu peux pas avoir non plus Ouais, bah oui. Même après, le truc qui est fort, c'est quand t'arrives à. Comme j'expliquais, moi, je suis énervé, je vais écouter la crime. Je suis pas énervé, je vais écouter un tel. Je suis joyeux, je vais écouter ça. C'est bien si sur un album, pour une fois, tu peux écouter la crime dans toutes les humeurs. Tu vois? Donc, et c'est un album. Ouais, mais c'est vrai que celui-ci, voilà, c'est aussi une aération. Il est entre deux morceaux quand on écoute l'album. Exactement. Une traite entre Prompto et On Fait Pas Ça. Ouais. Non, mais la tracklist, c'est tout, c'est fait exprès. Ouais, je pense que ça a été aussi, voilà, travailler jusqu'au bout. Les 15 titres qui suivent, c'est important aussi. Exactement. Il y a un ordre et tu le ressens d'ailleurs quand t'écoutes Corleone. Et bon, on met Barbade? Allez, avant la pub. Allez. Et sur la côte. Sur Paname, tu prends la route, l'autoroute du soleil. Elle à côté de toi, les petites lunettes de soleil. Y en a celui-là dans la poche. Hein? Ça se passe comment? Même si t'es en cellule, tu veux l'attraper, hein? Allez, viens, je t'emmène. Les pieds sur le sable, t'es hors de temps. Mais j'oublie pas mes problèmes. La cala peut toujours tirer dans l'eau. Allez, viens, je t'emmène. Allez, viens, je t'emmène. La Barbade des Seychelles. La Barbade des Seychelles. J'ai fait assez d'oseille. J'ai fait assez d'oseille. Assez d'oseille. Je t'avais dit qu'on ferait le tour du monde. T'as pris mon cœur en or, tu l'as fait fondre. La plus grande des braqueuses, en vrai, c'est toi. T'as tiré le gros lot en étant avec moi. que les fans qui prennent des photos. Ils m'ont mis au star mais jamais démoli. On commence sur la plage, on finit dans mon lit. Nardé, trop fraîche. Une dauphin, grosse veste. Une demi-seconde avec toi, j'oublie tout. J'ai des trucs à régler, on se revoit bientôt. On dit chez moi, viens con, cyberne. Du champagne, des fraises, des diamants, des perles. Des fois je me dis, est-ce que tout ça c'était faux? Ils t'ont choisi pour me faire, non j'suis parano. Allez viens, je t'emmène. L'épée sur le sable, au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes, gros. La canapé de rein. Allez viens, je t'emmène. Allez viens, je t'emmène. La Barbade des Seychelles. La Barbade des Seychelles. J'ai fait assez d'oseille. J'ai fait assez d'oseille. Assez d'oseille. Un hélicoptère. On sait jamais, des fois que t'es mal de mer. Je t'emmène dans les airs. Fini la galère. Dis-le à ton père. Je t'ai donné ma confiance, ne me déçois pas. T'es pas mon objet, mais bon, t'es à moi. Si t'as des interrogations, y'a mon casier. Portrait touche de ta kim, mon vrai c'est ma vie. Ma chérie, j'ai beaucoup d'ennemis. Habitude au cruzi dans mon lit. Plus d'oseille, plus d'oseille. Ton doigt sur le globe. Et on finit aux Seychelles. Je ne te dis pas tout, c'est mieux pour nous. C'est quoi ce petit sourire, tu veux plus comme époux? N'aie pas de stress, c'est la rue, que veux-tu? Je peux pas chez là, c'est ma maîtresse. Allez viens, je t'emmène. L'épée sur le sable, t'es au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes. La calape peut toujours tirer dans l'eau. Allez viens, je t'emmène. Allez viens, je t'emmène. La Barbade des Seychelles. La Barbade des Seychelles. J'ai fait assez d'oseille. J'ai fait assez d'oseille. Assez d'oseille. Écoute la prod, frère. Coucher de soleil. T'es au resto. Sur pilotis. Tu la regardes dans les yeux. Barbade, frère. Musique des gros monsieur. Ça chose que du 65. Grosse peinture, ma gueule. Barbade. C'est Chris. Aïe. Wesh, Driss. C'est ma. Ok. Barbade à l'instant avec la crime. Ouais, il est sympa le chat. Ah, il est bon, il est beau. C'est justement, tiens, quand tu reviens justement de vacances, ou même ceux d'ailleurs qui sont pas partis, tu voyages avec ce morceau. Ouais, bah ouais. T'es loin. Eh ouais. Mmh. Bien sûr. C'est quoi le plus long voyage, toi, que t'as fait la crime? Non, le plus grand kiff en voyage que t'as pu faire? Non, après, j'ai beaucoup voyagé après destination. Là, pour moi, après, j'ai pas de truc à dire, ouais, j'ai été là-bas et je vais t'éblouir parce que ça reste sur la terre. Et si j'ai pas été là, mon poteau, il a été là. Si j'ai pas été, tu vois. Donc. Mais j'ai beaucoup voyagé. J'aime bien aller dans les îles. Ouais, t'aimes bien. Ouais. Prochaine destination. Moi, bon, j'aimerais bien aller vers Minibay, tout ça. Bahamas et tout. Bonne idée. Ouais. Je vois Cor. Je voulais y aller là. Y a Cor qui fait un grand saut. Je voulais y aller, tu vois. Je connais bien. Voilà, peut-être. Bon, on va y aller, bien sûr qu'on va y aller. Bah ouais. Et toi, Fred? Moi, le plus beau voyage, je sais pas, moi j'aime bien l'Asie. Non, mais là maintenant. Ah, là où je pourrais partir? Ouais. Ah, bah là. Kibron, c'est pas mal. Hein. J'aurais. Tu vois, c'est pas cool ça. C'est pas cool ça. Oh, Kibron, sympa. Ouais. écoute, non, mais je vous suis, moi. Si vous partez là-bas, je vais bien finir le. Mais là, tu dis ça parce qu'on a l'antenne. Le jour où on dit on va là-bas, il faut venir, tu viendras jamais. Ça, c'est vrai. Avec grand plaisir, en tout cas. Okay. Non, mais c'est bien de voyager. En tout cas, c'est bien. C'est vrai qu'il faut aussi voyager, c'est important de le bien dire. Bien sûr. C'est si on peut, si on peut, voilà. Si c'est la vie, tu sais, voir d'autres cultures. Voir d'autres cultures, voilà. Rencontrer d'autres gens. À chaque fois, tu prends des tartes. Tu vois, les gens, ils sont souriants, ils ont rien. Ils savent peut-être même pas comment ils vont manger demain. Mais ils se prennent pas la tête, la vie elle est pas compliquée. C'est vrai que c'est un truc que tu sens, ouais, quand tu voyages un petit peu, que tu sors aussi hors des sentiers battus, dans l'hôtel, machin. Ouais. Et que tu voyages un petit peu, que tu rencontres les gens. Local. Même des gens, voilà, qui ont rien. Ils sont toujours prêts à t'accueillir. Et toujours. C'est ça qui est assez hallucinant. À donner ce qu'ils n'ont pas. Ouais. C'est ça qui est assez hallucinant, quoi. Ouais. Ça, c'est des grandes leçons de vie. Bien sûr. Donc en tout cas, on va revenir dans un instant avec des extraits de Corleone. Il y aura du live tout à l'heure. Tu feras, c'est quoi, le pocket coffee? Ouais, on va se faire le pocket coffee. Très bien. Parce que je sais que les gens me redemandent, tu vois, et on va même se faire le hose encore. Ah bah bonne idée. Ouais. Très bien. On les va deux. Se faire le hose, ouais, les deux en même temps. Ce soir, on est refait. Bougez pas. Ouais, en même temps, ça veut dire pendant que je rappe le pocket coffee, je rappe aussi le hose en même temps. Putain. Non, ouais. Tu vas péter les plombs. Ah, c'est un nouveau concept. C'est un homme d'Amérique. C'est les Américains qui font ça. Les Américains font ça. Le mec peut rapper sur une oreille, t'entends le hose, sur l'autre, t'entends le pocket coffee. Eh bah bougez pas, ce sera dans un instant. 41-7-5-9, tous vos messages. Inscrivez-vous, tiens, aussi pour faire tourner la roulette, pour aller voir Jay-Z et Beyoncé en concert, il y a des places à choper. Le freestyle par téléphone et on revient après ça. C'est La Crime et son album Corleone dans Planète Rap. Ouais. Entre 20h et 21h, on va balancer une nouvelle exclue. Enfin, un morceau, si vous avez l'album, vous le connaissez, mais c'est une exclue, ouais. On ne l'a pas passé depuis ces 15 derniers jours. Le morceau qui s'appelle Pour de Vrai. Pour de Vrai. Tu veux dire un mot sur celui-ci, La Crime? Ouais, c'est que j'ai voulu. Ouais, pas spécialement, après j'explique le morceau un petit peu. J'ai voulu. Dans une atmosphère très sombre, je me dis au lieu de rapper, tu vois. J'ai voulu vraiment bien. Enfin, ça nous tenait à cœur de vraiment bien accompagner l'instru, la prod dans l'univers. D'accord. Donc moi, j'en parlais avec qui? J'en parlais avec Benj de Def Jam. Il me disait, je le kiffe ce morceau. C'est quoi? Mais c'est pas faux. C'est comme une comptine, mais pour Kaira. Genre, tu sais, c'est, tu vas pas dormir, c'est, je vais te, tu vois, je vais te, voilà. Et c'est vrai, ça fait, tu vois, j'ai kiffé moi l'équilibre en fait que ça a apporté. La comptine pour Kaira. Ouais. Ça tue. Ouais. C'est comme une hymne en fait, tu vois. Et ben, on va l'écouter maintenant. Il s'appelle Pour de Vrai. C'est Pour de Vrai, c'est pas Pour de Faux, frère. Et juste avant, petite question pour repartir avec l'album de La Crime, l'album Corleone. Question aussi simple si on connaît ton parcours. Mmh. Quel est le prénom de La Crime? Ah, oh, ça c'est compliqué. Bon, allez, petit indice, c'est le même que French Montana. Ouais. Pareil, vous avez le même prénom. Allez-y, 41759, le hashtag La Crime sur Skyrock. Vous le balancez et vous allez repartir dans un instant avec l'album Corleone. Et là, on écoute le morceau Pour de Vrai tout de suite. Alors, c'est comment à Lille? Hein? C'est comment à Roubaix? Hein? J'entends que t'es chaud bouillant, ouais, que t'es refait, ok. T'es un voyou que t'es venu chez nous, que moi j'ai rien fait, ok. Alors Zaz, ça dit quoi? On commence quand? Hein, Zaza? Hein, soit disant tu sais faire la guerre, on commence quand? D'embrasser ta mère, va falloir assumer. C'est pour de vrai. T'as ouvert ta bouche, tu plais. C'est pour de vrai. T'as pas dans les wagons, on est prêt. C'est pour de vrai. La faucheuse m'a parlé de toi et elle t'attend sous ses draps. Oh, va falloir assumer. C'est pour de vrai. T'as ouvert ta bouche, tu plais. C'est pour de vrai. T'as pas dans les wagons, on est prêt. C'est pour de vrai. La faucheuse m'a parlé de toi et elle t'attend sous ses draps. J'ai ma vie, je suis tranquille dans mon coin. J'ai rien à prouver, ce que je veux, je l'obtiens. J'suis organisé, j'ai des sous, des gros moyens. Des routes à ne pas prendre, mais te voilà sur mon chemin. J'vais te montrer de quoi j'suis capable. Oh, sale fils de timbre, tu vas finir dans un trou. Car c'est tout ce que tu mérites. Crois que moi je prendrai la fuite. Mais toi t'es fou. Bam bam bam bam bam. Me voilà ton enterrement, ça finit comme ça. Va falloir assumer. C'est pour de vrai. T'as ouvert ta bouche, tu plais. C'est pour de vrai. Ouais, général, on dit quoi? On est prêt. C'est pour de vrai. La faucheuse m'a. Alors Boudère, Fraîche, Nagui, ça dit quoi Nadir? C'est pour de vrai, t'as ouvert ta bouche, tu paies. C'est pour de vrai, t'as pas dans les wagons, on est prêt. C'est pour de vrai, la faucheuse m'a parlé de toi. Et elle t'attend sous ses draps. Je voulais fromage, wesh il tange. Bonheur de mes proches avant le mien. Mais j'ai l'instinct de loup. Et tu sais ce que j'aimerais, c'est prendre mon petit désange, sachant que ce soir je t'aurais fumé. Tu verras mon ombre, et ça toutes les nuits. L'ange de la mort sera ton seul ami. Frère, tu n'es pas un voyou, chandard, laisse-moi faire. Si tu veux pas tout perdre, demande à ton père. Va vendre ton kilo, mais qui t'a vendu ce kilo? Les petits des petites, mes petits en bas de l'échelle, c'est tout ce que tu vaux. Va falloir assumer, c'est pour de vrai. T'as c'est pour de vrai. La fâcheuse m'a parlé de toi. Alors Incus, ça dit quoi? Va falloir assumer. C'est pour de vrai. Je vis la rue, un automne France. Les billets sort ma gueule. C'est pour de vrai. Wesh, chata. Fais gaffe à ta femme, frère. C'est pour de vrai. La fâcheuse m'a parlé de toi. Ça dit quoi, Russ? Jean-Mi. Bachir, Brajid. Voilà pour cette petite comptine à l'instant sur l'album voilà. De la Crime Corleone, le morceau pour de vrai dans Planète Rap entre 20 et 21. Dans un instant, tu nous fais du live, deux lives. Pocket Coffee et Oz dans quelques minutes. Juste avant, je vous présente Dité de Pornichet dans le 4x4. Salut Dité. Salut. Ça va bien? Ça va. Eh ben écoute, tant mieux, il y a la Crime avec nous. Ouais. Ça me pote. Ouais, ça a l'air d'aller. Dité, ouais, tu es prêt à rapper? Pas de soucis. Est-ce que tu peux le faire en 1:30? Sinon, au bout d'une 30, t'entends ça. Ouais, y a... Et après, elle attrape tout la totale, hein, Dité. Hein. Ok. Allez, bon courage, vas-y, c'est la session freestyle par téléphone, on y va. Pornichet le bidule, on est chaud, la canatise, la victime, Nantes, sans laser. Ça dit quoi? Ok. Ouais. J'ai décidé de décéder en descendant des M6. Sache que l'amour plus que parfait ne se trouve pas sur M6. Sur Facebook, l'ami de ton ami est ton ami. À mon avis, l'homme de ta vie envie ceux qui t'auront suivi. Je préfère avoir 10 vrais potos que 100 j'aime sur ma photo. Je préfère qu'elle s'accroche à mon dos plutôt qu'à mes rideaux. Où la vérité sort de la bouche des alcooliques en panique. Une fille vient un peu devenir diabolique, c'est la vie. On est comme une passoire, le liquide nous sépare. Son cœur à l'intérieur, elle revient sur ses pas. Je sais pas, ouais, y'a que 500 cafés la gaffe, t'es qu'une sale balance, hein, tu mériterais que des baffes. Tire une taffe sur un pilon, c'est mieux que de croiser Blanche-Neige. L'état c'est Disneyland, veux tu cramer leur manège? J'avoue, je manie bien les mots alors que je n'ai pas eu le bac. Je ne suis pas un menuisier, mais je vais leur clouer le bec. Sans bec, j'ai la technique de malade, tu tactique. Je me balade, roule un stick de salade. Et j'avais jamais de monnaie quand le marchand de sable passait. Les bons moments que j'ai vécu se trouvent cachés dans mon passé. J'ai poussé bientôt 1m90. L'argent n'a pas d'odeur, mais s'il ouvre quelques de cuisse, c'est triste, les garçons égal avion, c'est leur queue qui les dirige. Le rap une classe entière, où faudrait qu'on les corrige. Dérange des autres MC car mes rimes se faufilent. Je compare ta meuf à des chaussettes, tout le monde l'enfile. Avec toi c'est comme une couleuvre, elle peut pas prendre son pied. Et puis tu perds de l'endurance vu que tu fumes comme un pompier. Je manque de sommeil, trop d'instru me l'ont piqué. Gérard à Shakira dans son lit, normal qu'il a le piqué. Et pour percer, devrais-je faire de la cavale? Ta mère aurait pu te faire enfermer, ton père a dit aval. Ça fait mal de voir la réalité en face. Mon père est mort, tu sais bien que je le dédicace. Et si je rachetais pas pour quelques fumes. Dité de Pornichet, ouais. Bah ça va, on était presque à la fin. Ouais, enfin ça pouvait continuer pendant des heures. Ah bah, pour... on peut te suivre où, Dité? Sur ma page Facebook, bah vous tapez sur YouTube D-Y-T-E. Ouais. Et vous aurez tout. J'habite dans une petite ville, 10 000 habitants, vous voyez, il n'y a pas grand monde qui me suit, mais bah, ça fait plaisir. Bah peu importe, maintenant on peut rapper partout, hein, dans toute la France. Ouais, et on, te souhaite bon courage pour la suite, Dité, en tout cas. Merci, big up à tout le monde, Pornichet, Saint-Nazaire. Le 4x4 en France. Le 4x4. Merci à Dité, freestyle à l'instant dans l'émission La Crime. Ouais. Est-ce qu'on peut attaquer les lives maintenant? Allez. Est-ce que tu te sens prêt? Ouais. Allez, c'est parti sur Skyrock ou presque. Ah oui, je vois Belek courir, donc ça part des platines. Ouais. Pour le son, balance. C'est deux lives que tu nous fais, Pocket Coffee et Oz maintenant. Les images sont dispo sur skyrock.fm, sur l'application Skyrock aussi. Vous pouvez mater le Planète Rap en direct avec les images et toutes vos réactions avec le hashtag La Crime sur Skyrock. C'est bon? Ouais, c'est parti. Ok, vous êtes branchés. Ouais. Alors les frères. Arrivant, isolé, quel mauvais temps. Je m'étais dit ça plus jamais, les parloirs et les rages de temps. La canicule assèche les fleurs, bah moi la tôle noircit mon âme. Juste une petite trêve, je dors plus, je traîne, je fais plus de rêves. Laissez mon cœur au grève, gros. Wesh la crime, comment ça va? T'inquiète mon frère, un téléphone, un bloc de shit. Je m'occupe de toi, je pense à ma famille que j'ai laissée. Ma mère doit péter les plombs. Pour toutes ces galères là, je voudrais vous demander pardon, hein. Si tu viens me voir, retiens tes larmes. Ne t'inquiète pas, je sors bientôt. La tôle c'est rien, je suis sur un pied. Mais en vérité, je suis dégoûté. Je veux juste être libre, voir grandir un peu mon fils. Je pense à mes potes, encore là-bas, le cœur serré. Je vous oublie pas, frère, on va délover. On tombe mais on sait se relever. J'arrive au bâtiment B. J'ai les potes donc je suis vite OP. Ouais, quand frère et mon U envoie de la prod, je les tue. Je venais à peine de signer, c'est pas comme ça que je vais me réinsérer. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Ma dignité vaut-elle de la merde? Aurais-je le cran de leur faire la guerre? Aurais-je le temps de voir toute la terre m'étouffer de haine? C'est tout ce qu'ils veulent. J'ai trop fait de peine à tous ceux que j'aime. À l'intérieur, c'est comme dans la tête. Faut se débrouiller pour se faire sa place. Dans les salles d'attente, les cours de promenade, les jours de mi-tard, les affaires en plus, l'attente d'un courrier. Parloir, ta femme qu'on peut plus, ta mère qui fatigue trop. Madame la juge, on est fière. Fait de sang et de chair. Vos peines planchées n'ont qu'un seul but, faire pleurer nos mères. Si tu viens me voir, retiens tes larmes. À toutes les mères, toutes les femmes qui viennent au parlu, les sœurs qui souffrent, sa mère la pute. Sur un pied, mon vérité, je suis dégoûté. Je veux juste être libre, voir grandir. À toi mon fils, je pense à mes potes, encore là-bas, bâtiment B. Je vous oublie pas. Hein, la gamelle, les plats, la promenade, le parloir, les 100 téléphones, frère, les 10 kilos de shit. Voilà, on se débrouille. Mais tout le monde souffre, frère. Un jour, tu te réveilles, t'as pris 15 piges. Écoute la boucle, c'est la folie. Ils veulent tout sortir. La Gendas, on veut le manger dehors, frère. L'entrecôte aussi. J'avoue, je veux juste être libre, voir grandir un peu mon fils. Je pense à mes potes encore là-bas, le cœur serré. Je vous oublie pas. À tous les placards. On enchaîne. Je rêve de tranquillité, de millions de dollars. Genre du placard, demain matin je vais me faire sucer dans un sauna. Jeune homme, il faut qu'on se le dise, je pourrais te faire des trucs de malade. Peut-être que t'as vendu quelques disques parce que papa n'était pas là. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la vie? Je fais partie des anciens routards. 60 jours avant que n'arrive l'euro, j'avais déjà 10 bars en moutarde. Jamais connu la puberté. 11 ans, je tirais de gros staff. 17 ans, raté le million. Le juge m'a privé de liberté. Déjà, c'est vrai dès la portée. On fait l'amour avec la muerte. Je vais rentrer dans le cul de la France. Ça n'est qu'une histoire de fierté. Ce que j'ai fait, je le regrette pour qu'une seule raison. Parce que ma mère a pleuré. Je m'en bats les couilles, c'est par ma faute. Tu fais ton taf, des banquiers apeurés. Tu rêvais d'avoir un bateau. Tu n'as même pas eu la voilette. Ma mère m'a dit, t'as pris des millions, que t'as chié dans les toilettes. Des mecs comme moi dans le rap, y'en a peu. Mais dans les cités, y'en a des milliers. Si tu fais plus de sous que les Schmitt, ils voudront t'humilier. J'ai connu Marbella, l'abdom, la favela. Je leur prenais des kilos de pur. Un gré, ils savent tous. La devise, la crime dans ta voiture. Compteur bloqué, minimum à 2-10. Je suis bourré, je pense à mes frères. J'ai laissé dans la promenade les autres la dalle et peut-être beaucoup de gens à tuer. Beaucoup de gens à tuer. On veut pas être adulé. Nous ne sommes pas dans un film. Taomar m'a tué. Cinquantaine de loyers. C'est le tarot d'un soldat pour foudroyer. Rien, rien, rien. J'ai de l'alibi mais voilà nettoyé. Je parle de dîner tranquille sur la tête de mon fils, non. Quand je vais chez Louis Vuitton, c'est pour lui, pas pour des putes. Je lui prendrai même du vison. Je pense à lui, j'ai des frissons. Lui dans mes bras, un brûlif sur moi. Calvin ou ce bison. Regarde ce système, à quoi il t'amène. Rempli sac de l'OV, ou bien je te nique ta mère. Dès qu'il dans les égouts, j'ai ma suite au palace. Ta tête me dit quelque chose, y'aurait pas ta mère au Dallas. Les cartouches de Famas, il y en a jusqu'à Damas. Mais là je suis dans les îles. Sous un ananas, j'ai connu Marbella, la dame, la favela. J'en prenais des kilos de pire. Toi tu n'étais jamais là. Tu connais la devise. La clim dans ta voiture, compteur bloqué, minimum à 2-10. La bagarre, on sait pas faire. On préfère t'allumer ta mère. T'allumer ta mère. T'allumer ta mère. La bagarre, on sait pas faire. On préfère t'allumer ta mère. T'allumer ta mère. Pourquoi la bagarre? T'allumer ta mère. Ok. Corleone dans les bacs. Numéro 1 des ventes en France. Alors Lewin. Alors Seize, ça dit quoi? Ça là? Bon courage de jugement, ma gueule, bientôt. Bobby! À l'instant, en live, la crime avec Pocket Coffee et Oz ouais. Sur Skyrock. Ça va, c'était bien. Bah ouais, c'était bien, c'était même très bien. Regarde les messages arrivés. 41759, le hashtag La Crime sur Skyrock. Vous pouvez balancer tous vos messages pour La Crime jusqu'à 21h avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette dans quelques minutes. Ouais. On va écouter un morceau qui s'appelle Mon Frère. Ouais, voilà. Tu voulais, je voulais le balancer. Voilà, tu vois. Moi, j'étais même chaud pour le passer en début d'émission. Mais après, tu vois, l'émotion et tout, c'est mieux pour la fin. Donc, allez, on va le passer. Et ben, on le passe maintenant. C'est pour tous les poteaux disparus. Voilà, hein, un être cher, c'est. On va mettre le morceau, c'est mieux. Allez, c'est parti maintenant, c'est extrait de Corleone. Hakim, pensez à toi, frère. Bengo. Saïd. Mehdi. Les bons qui perdent, ça fait du mal, ça fait du mal. Mais je dois m'y faire. Je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Elle a tes yeux, elle a tes yeux. Tu peux être fier, tu peux être fier. Je te vois partout, je te vois partout. Je vais pas m'y faire, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Une amitié née d'une enfance difficile. Banlieusard, on a grandi sur un fil. Mais t'étais là pour moi. J'étais là pour toi. Nous étions juste des petits jeunes qui dans le mal ont pris racine. Insolent, on n'a pas rendu un kill. On était jeunes et fous. On en voulait des sous. Alors on a quitté l'école, on s'inventait nos codes. On voulait partir en vacances avec les meufs les plus bonnes. Et y'a les balles qui résonnent. On avait peur de personne. On avait qu'un seul grand frère, c'était le Smith et Wesson. On veut le corps dans la caisse, du champagne, de la fraise. Molotov dans la caisse, c'est le coffre, on encaisse, refrain. On avait qu'un but, celui de tout baiser. On était dangereux pour la banaliser. T'étais mon frère, t'étais mon frère. Les bons qui perdent, les bons qui perdent. Ça fait du mal, ça fait du mal. Je dois m'y faire, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon amour, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon amour. Elle a tes yeux, elle a tes yeux. Tu peux être fier, tu peux être fier. Je te vois partout, je te vois partout. Non, je vais pas m'y faire, je vais pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je vais pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Une amitié née d'une enfance difficile. Banlieusard, on a grandi sur un fil. Mais t'étais là pour moi. Moi j'étais là. Et tous pour ceux qui sont toi. Encore vivants et qui ont perdu un être cher. Juste des petits jeunes qui dans le mal ont pris racine. Je compatis. Insolent, on n'a pas rendu. Soyez fort. Kill. On était jeunes et fous. Soyez fort, soyez fort. Plus d'oseille, plus d'oseille, plus d'oseille. Tu me disais carré mon arrêt, je t'en répondais plus d'oseille. On va tout perdre, c'est toi qui me disais ça. Ma folie te répondait, ouais, j't'as peur de quoi. Photo, t'es fou, prends tout maintenant. Sans pas les couilles, on est dedans. Mes anciens, c'est les qui s'amènent. Couleur, mets de balle dans les dents. J'vois la scène avec toi devant. Non. Le glock pointé vers l'avant. Le c'est le qui visait la tête. Mon calibre, ouais, j'peux ton, ça dit quoi? T'étais mon frère, yes. T'es mon frère. Les bons qui perdent, les bons qui perdent. Ça fait du mal, ça fait du mal. Je dois m'y faire, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Elle a tes yeux, elle a tes yeux. Tu peux être fier, tu peux être fier. Je te vois partout, je te vois partout. Non, je vais pas m'y faire, je vais pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je vais pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Dans le sky, je verse quelques gouttes par toute terre. Toute la bouteille. Je pense à toi, mon frère. Ta femme, ta fille, t'as laissé derrière. T'inquiète même pas, mon frère. Dans la vie, tout se paye, je vais les laisser par terre. Je leur ferai même la guerre en enfer. J'ai plus rien à perdre, cette fois c'est la dernière. Je récupère la bécane que t'avais cachée derrière. Et je déboule en plein jour, sans détour. Le premier direct dans les joues, les deux autres je vise dans le dos. Je leur vide le chargeur dans les joues. Alors on fait moins les fous, dans cette histoire on sera jamais quitte. Quand que vous avez tué vos beaucoup plus que tout en équipe. On est tes frères mais pas de la même mère. Religion différente, situation précaire. On a mangé les mêmes guerres, on a partagé les mêmes épreuves. On a vécu les victoires, les défaites étaient comme hiver. T'étais mon frère, les bons qui perdent, ça fait du mal, mais je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je dois m'y faire. Tu vas manquer mon ami. Elle a tes yeux, tu peux être fier. Je te vois partout, non je veux pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami, je veux pas m'y faire. Tu vas manquer mon ami. On se reverra Inch'Allah. Soyez forts. Gambergez pas trop. Dans la cellule, couchez-vous. C'est la vie. Mon frère, à l'instant, c'est un morceau aussi que vous retrouvez sur l'album Cortrap. Il y a quelques minutes, j'ai posé une question. Quel est le prénom de la Crime? C'est Karim. Bah, c'est Karim. Voilà. Ouais, c'est Karim. D'ailleurs, la Crime, il est comme la plupart des menteurs en France. Ton pseudo, c'est. Ah, mais c'est vrai. À chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu m'appelles Karim. Dis, ouais, tout le monde dit à chaque fois qu'il s'appelle Karim. Dis, mais je m'appelle Karim pour de vrai. Et la Crime, toi, il est né comment ce pseudo? Il est arrivé à quel moment? C'était. C'est un poteau. C'est un poteau. Ouais, qui l'a trouvé. Un poteau de Port-de-la-Chapelle. Je l'embrasse très fort. Il se reconnaîtra. Et moi, je vois en studio, voilà. Et il me dit. Et t'as vu, moi, je trouve les blases de, tu sais, rap, crew, tu sais, ça fait un peu Bioman, Power Ranger. T'as vu? C'est pas cohérent avec ma vie. T'as compris? Ça veut dire la Crime, tu vois, c'est un peu, tu vois, la Crime, Karim, voilà, et ça reste, voilà. C'est et puis ça reste cohérent avec, voilà, avec toi, ce que tu vis et ce que tu as vécu. Exactement. D'accord. Donc, le Bioman. Plutôt que de trouver. T'as quand même cherché, maman, des pseudos, des trucs? Non, franchement, du tout. Non? Non, du tout. Tu t'as prêté quand même à rapper, c'était ton studio, tu rappelles? Je me pose même pas la question. Ouais. Le plus important, c'est de faire des morceaux. Voilà. Et bah là, il y a non seulement ton blaze sur un album, c'est celui-ci. Il s'appelle Corleone, qui est dans les bacs depuis lundi, qui fait un véritable carton. Cor le disait tout à l'heure, mais numéro 1 des ventes. Et c'est bien, ça se maintient, ça continue. Les gens sont là à suivre, récupèrent cet album, soit en version physique, soit en digital. Ouais, je voulais juste remercier tous ceux qui ont contribué à ce que la Crime soit là aujourd'hui. J'ai un gros public. Merci à tous. Et on lâche pas. Et un public qui va gonfler encore plus avec cet album. J'espère. Les gens qui vont aussi le découvrir, il y en a plein qui vont le découvrir. J'espère. Et en showcase aussi, this weekend à Perpignan, au Purple, c'est samedi 6. Venez nombreux, hein, Perpignan, on va foutre le feu. Hein. Ah, le Auvernais, hein? Allez-y, le 6, c'est ce week-end, le 12 à Liège, le 13 à Mons, le 26 septembre à Lyon, le 4 octobre à Arles, au Palm Beach. Ouais. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. C'est parti. Skyrock t'offre le concert des plus méga stars US. Jay-Z, Beyoncé, Stade de France. Salut Sana. Salut. Ça va bien Narbonne, Sana? Ça va, super, et toi? Bah écoute, en pleine forme, tu connais la Crime? Ouais, je connais la Crime, ouais. Bah ça d'ailleurs, Narbonne, Perpignan, c'est pas très très très loin. Ouais, non, pas du tout, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure? Ouais. Bah pourquoi pas, si tu veux, samedi il est là. Pourquoi pas alors. Samedi, gros showcase, ce sera le feu. Mes anciens titres et les nouveaux, ça va être le feu. Ouais, ok. Et Purple. Ça au Purple. Allez, on fait tourner la roulette dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Sana, t'as deux week-ends chargés. Hein. Ce week-end, il y a la Crime et la semaine prochaine, c'est le Stade de France. C'est deux places. Deux places. Je suis trop contente. Aïe. Je suis trop bien. Oui, je suis contente. Ça fait plaisir. Nous aussi, on est contents. Ça fait plaisir. Je suis super contente. Par contre, je voulais encourager la Crime. Merci. Vas-y, t'écoutes. Je voulais dire salut la Crime. Merci beaucoup. Je voulais t'encourager et te souhaiter bonne continuation. Ton album, c'est la tuerie. Je l'ai écouté et voilà. Tu donc, déchires, merci beaucoup. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Voilà. Merci du soutien. Allez, bon courage. Et continue, merci. Continue à soutenir. Merci beaucoup. On te fait plein de bisous, Sana. Et voilà, on rappelle samedi la Crime est à Perpignan, pas très loin de chez toi. Merci pour cette soirée. Merci beaucoup à vous. Demain, déjà la dernière. Passez vite, c'est 15 jours en fait. Ouais, en même temps, il y a 15 jours. Hein, moi j'étais là tous les jours. Je t'ai vu. Hein, c'est vrai. Moi je les ai vus. Hein, toi t'as l'habitude. Hein. Tu vas pouvoir en profiter. Mais ça fait plaisir. Après, il y a le week-end qui arrive. On fait pas les choses à moitié. Lundi, c'est trop, tu vas te pointer comme ça machinalement à 20h. Tu vas dire merde, putain, j'ai pas une troisième semaine. Qui sait. Bon, merci, Cor. Merci beaucoup. Merci à toi, Fred. Comme demain, tu reviens peut-être pour la dernière aussi. Avec Belek qui était là aussi. On salue tous les gens qui étaient là autour de toi. Grosse dédicace à Mid aussi qui a participé. Ce projet. Voilà. tous ceux qui ont suivi aussi le Planète Rap la à poule. La radio en matant les images aussi. Adam. Et on se retrouve demain. Driss. Mais là, juste avant, c'est l'heure de retrouver la Radio Libre de Difool qui est là. Et oui, on est là. Avec toute l'équipe. Et presque. Ouais. Si, il manque Cédric, c'est bizarre ça. Ah, encore ouais. En retard. On va lui mettre un mot de retard à Cédric là. Première c'est semaine. Non, c'est pas la clash ce soir en plus. Non, c'est problème du mois là. C'est ouais, problème du mois ce soir. Ce soir, il y a le grand problème du mois qui est de retour. Il se défile peut-être. Et on aura une petite surprise. Si vous aimez la crime, restez bien dans le coin jusqu'à minuit. Parce qu'une petite surprise pour vous. Un invité mystère à retrouver. Et puis soyez là demain, 20h-21h pour Planète Rap. Pour la dernière de la semaine. Déjà. Pour l'album Corleone, l'album de la crime. L'album numéro 1 des ventes. L'album numéro 1 des ventes qui sera numéro 1 des ventes la semaine prochaine aussi. Ça fait plaisir. Merci. J'ai fait des statistiques, personne, on peut plus te rattraper. Merci. Du pif, toi. Tu sais, c'est comme pour le match du Brésil quand il perdait contre l'Allemagne et qu'il perdait. Merci. Ouais, c'est gentil. Ouais. Difool, moi je viens quand tu veux chez toi. Eh ben écoute, on verra, peut-être une surprise ce soir. Peut-être. Restez bien dans le coin. Restez bien sur Skyrock et la crimonde qui kiffe. Regardez les messages qui défilent. T'en as plein des messages tout au long de l'émission. Ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Depuis 15 jours, je vois qu'il y a du soutien à mort. Et ben nous aussi, on soutient et on te retrouve très très vite et notamment demain soir. Voilà. Et vous aimez la crime, restez là. Nous, on arrive dans un instant. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Profitez-en, Radio Libre intégrale avec toute l'équipe qui est là. Yes. Et c'est parti. Merci. Cédric vient d'arriver. Ah, Cédric est là, c'est bon. Oh, il est très très vilain. Mais toute l'équipe est là. C'est parti jusqu'à minuit. Ciao.